On m'a dit, taf ta technique, ici ça plaisante pas. Tu verras par toi-même, car rien nous sépare. Ne bougez pas, veillez m'épargner de vos coups de vis. Ça va mal se passer, juste daron qui mate la 5. Pas ce fiston qui t'a placé, mate la scène. On perd le film et pas le rasoir, vite vite. T'apporte à boire, reste calme et va t'asseoir. Tout porte à croire que le doute est long, même quand les fautes sont courtes. Je peux pas garder mon calme, même quand mes potes sont cool. J'vais cracher le feu à tes enceintes et j'vais pas stopper dans le rouge. Ma mère savait que j'allais taper dans le mille, j'étais opé dans le moule. J'vis dans le mal, mat, j'bois l'apéro devant Dora. Sous Jack dans le canap, pas sous Coca Bora Bora. 200 balles au yep, et dans le frigo c'est le Sahara. J'veux pas faire chip à l'arrêt de bus avec un t-shirt Yamaha. Y'a la rage, les peines et tout ce qu'on représente. Dans le passé j't'ai blessé, considère complaisant, complaisant. Je me dois de l'être, tellement je débute. Je me convainc que ça reste des potes, même quand ils se comportent comme des putes. Des barres dès le départ, j'ai vu clair, tu sais pas. T'as capté, je vous esquive, ne vous excusez pas. C'est par plaisir que je vous déteste. J'ai fait de ma haine un vœu de faiblesse. Je suis pas là pour parler douceur, comme ta femme. Je te bute avec le temps, je te laisse pleurer tout seul. Wesh pilon, bien ou quoi? Qu'est-ce que tu deviens vieux? Rien ne bouge, j'ai toujours pas trouvé le sourire qui me va le mieux. On passe du pyjama au bleu de travail, voulant des écus. Les rêves se payent en espoir au pays des pompes de sécu. Wesh pilon, bien ou quoi? Qu'est-ce que tu deviens vieux? Rien ne bouge, j'ai toujours pas trouvé le sourire qui me va le mieux. On passe du pyjama au bleu de travail, voulant des écus. Les rêves se payent en espoir au pays des pompes de sécu. Dis-moi ce qu'on va devenir, plus t'en as et moins t'es content. Grisaille dans les souvenirs, ces fils de pute me parlent de bon temps, le présent. Crois-moi qu'on oublie trop de le savourer. Mon pote en est témoin, tissant des liens du haut de son tabouret. Allez mieux ça pourrait, en apnée j'attends la paye. Tu veux qu'un mec te parle vrai, laisse-le finir la taille. Sourire c'est pas la peine, ça bluffe matelé tous. Ça fait les beaux sur Insta quand la daronne porte ses courses. Putain, tu vaux si peu, tes parents coûtent si cher. Des yeux, perds un des deux et le deuxième va s'y faire. T'sais, des indispensables, y'en a plein les cimetières. Si fier de mon père, même le cul dans sa civière. Ça y est promis papa, j'arrête de parler de toi. Mais on s'est fermé les portes et mon cœur passera par les toits. Moi, je prie pas mon étoile, mais je déprime sur des photos. On s'enlise car tous tes rêves dépendent d'un putain de l'auto. Wesh pilon, bien ou quoi? Qu'est-ce que tu deviens vieux? Rien ne bouge, j'ai toujours pas trouvé le sourire qui me va le mieux. On passe du pyjama au bleu de travail, voulant des écus. Les rêves se payent en espoir au pays des pompes de sécu. Wesh pilon, bien ou quoi? Qu'est-ce que tu deviens vieux? Rien ne bouge, j'ai toujours pas trouvé le sourire qui me va le mieux. On passe du pyjama au bleu de travail, voulant des écus. Les rêves se payent en espoir au pays des pompes de sécu.